Bonsoir tous les amis amateurs de bonne musique. Vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1 et c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit. Et vous êtes en compagnie de Bruno, France. Et bonsoir France. Bonsoir tout le monde. Et moi-même, Jean-François. Et comme d'habitude, on a toujours de la bonne musique. Mais comme on disait à nos amis des illusions auditives en arrivant tantôt, juste avant de partir, on a entendu Larry Gowan à Belle et Bonne, puis il a été présenté comme un champion de la musique progressive. Ben oui. Ben, c'est le fun d'entendre ça. Ben oui. Parce que c'est une musique qui est, que je dirais, un petit peu négligée là, par les médias, mais l'animatrice disait fièrement là, qu'il faisait de la musique progressive. Et Larry Gowan, ben, qui est toujours aussi sympathique et aussi amateur de langue française, hein, parce qu'il s'est exprimé en français. Et il est habillé avec un kilt. Ses origines, c'est écossais. Ben oui, c'est comme il dit, oui. Il est né en Écosse, même s'il a grandi à Toronto. Mais il a gardé quand même, puis il est toujours fier de ses origines écossaises. Et il est aussi content et reconnaissant envers les Québécois qui l'ont toujours accueilli. Il dit que le premier succès qu'il a eu, c'est au Québec. Mm-hmm. Et ben ça fait une belle performance. Je pense que ça passe en reprise. Ça vaut la peine de vérifier ça. Oui. Et ben en ce qui nous concerne, on a beaucoup de musique. Puis Bruno, ben comme d'habitude, aussitôt qu'on approche un peu, là, aussitôt que l'hiver commence à être bien entrepris, ben Bruno, il est fébrile. Là. Il a hâte d'entendre parler de musique progressive au mois de mai pour le festival Terra Incognita. Il est toujours impatient, mais là, on dit Bruno, calme-toi, là, tu te rendras pas. Mais il finit toujours par se rendre. Et faut dire qu'il y a une belle programmation. Encore une fois cette année. Oui, on va en parler tout à l'heure. Oui. Bon, pour l'instant, on va parler de Griffon. Griffon, oui. Ben oui, il y a un nouvel album qui s'appelle Réinvention, avec trois membres d'origine et trois autres membres. Et ben moi, c'est un disque qui me plaît beaucoup. Ça s'appelle Réinvention. Reinvention. Parce que c'est des Anglais, hein? Ils viennent d'Angleterre, ces messieurs-là. On va entendre un extrait. Et il y aura aussi des nouveautés qui sont arrivées hier, là, quasiment par le Père Noël. Ben oui, le Père Noël qui est arrivé chez nous. En tout cas, il y a une barbe blanche pareille comme le Père Noël. Ben oui. Fait que ça se compare. Et bien sûr, on parle de notre ami et collègue Michel Bilodeau qui est arrivé avec des nouveautés, dont le groupe italien Elsmer. En fait, c'est plutôt un gars qui a son projet à lui, mais avec une foule d'invités, dont Steve Hackett et plein d'autres mondes. Et ça s'appelle Elsmer. Moi, j'avais pas du tout été emballé par le premier. Pour être franc, j'appelle ça beau mais plate, le premier. Mais là, il m'a convaincu que celui-là était bien meilleur. Puis effectivement, après une écoute, là, ça s'appelle From Sea and Beyond. Et ben ça, moi, ça me plaît plus que le premier, en tout cas. C'est plus dynamique. Et il y aura aussi un extrait de Mad Fellas. Ça m'avait emballé beaucoup. Il s'appelle tout simplement 3. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination pour les titres. Là. L'autre s'appelait 2. Mais le 2 m'avait beaucoup plu. Mais malheureusement, il n'y a pas la chanteuse qui me plaisait beaucoup là, dans le deuxième. Mais après une écoute, je pense que ça s'écoute quand même assez bien aussi. Et bien, si vous voulez réagir, vous pouvez toujours le faire, soit en nous appelant à la station, mais vous pouvez aussi au 640-1586. Et sinon, vous pouvez le faire aussi, comme à notre dernière émission, notre ami François, qui avait réagi sur Facebook. Mm-hmm. Il a beaucoup aimé qu'on mette du mystery. Ouais. Et il te l'a fait savoir, France, sur ton Facebook. Ben oui. Et vous pouvez aller voir aussi à www.terrainincognita.québec. Ça, c'est le site sur lequel vous allez retrouver toutes les pièces qu'on met. Il y a aussi toutes les nouvelles du festival. Il y a la page Facebook qui s'appelle Terra Incognita. Faites attention, il y en a beaucoup, mais Terra Incognita progressif. Mm-hmm. À ce moment-là, on ne se trompe pas. D'ailleurs, vous allez la reconnaître. Et vous pouvez entendre aussi le podcast là, sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Et c'est l'émission Terra Incognita dans la programmation. Donc, on y va en musique avec Griffon. Et ce sera suivi de Elsmer et de Mad Fellas. Thank you. so concerned. If I hadn't been there, what would you be? You know, I'm only good for you. CFE. En janvier, voyez au cinéma Le Clap si Beatles Street pouvait parler, dès le 4 janvier. Une femme d'exception et Marie, reine d'Écosse, dès le 11 janvier. Malek, dès le 18 janvier. Belle et Sébastien III, dès le 25 janvier. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. C'était le groupe italien Mad Fallas avec leur album simplement appelé 3. On a entendu la pièce, la troisième du 10, Liquid Bliss. Et juste avant, Elsmer from Sea and Beyond de Schooner. Donc, c'était une instrumentale. Bon, j'ai parlé de Steve Hackett. Steve Hackett n'est pas là-dessus, peut-être. Il y a beaucoup de monde, mais par contre, il y a un nouveau disque qui est sorti récemment, qu'on devrait recevoir bientôt. Donc, à la prochaine émission, il va y avoir du Steve Hackett. Mais s'il n'y a pas de Steve Hackett sur ce disque-là, il y a Robert Berry qui fait un retour, je pourrais dire, qu'on a bien connu dans les années 90. Mais il y a aussi une participation avec Keith Emerson dans le groupe 3. Il y a David Jackson aussi là-dessus, Brett Call de E-Colline. Et il y a Daniele Pomo de Ranistrain. Et d'ailleurs, ce groupe-là, on va en entendre. Mais juste avant, ça, on avait débuté avec Griffon. Et pour revenir à Ranistrain, ça va attirer ton attention, toi? Oui. Oui, beaucoup. Tu avais vu ça un peu partout, puis là, tu disais, ouais, ça excitait ta curiosité, fait que tu t'es organisé pour le trouver. Donc, c'est Space Odyssey Part 3, Star Child. Et bien, on va en entendre un bon extrait, un extrait de 14 minutes 40. C'est celle que j'avais choisie, puis toi aussi. Ben oui. Ça donne bien, les grands esprits se rencontrent. Mais avant, on peut peut-être parler un petit peu de spectacle. Oui, le festival qui s'en vient à grands pas. Oui. Dans 3 mois et demi. Ben oui, si on réchappe Bruno d'ici là. C'est ça, fais-moi rire. Fait que les groupes annoncés, c'est les dates, c'est le 17, 18, 19 mai de cette année. À mettre à l'agenda. Et procurez-vous des billets. Il en reste quelques-uns. Fait que dépêchez-vous. Ben oui, on a vu Michel hier, ça se vend bien. Il en reste encore, par contre. Fait que Ease Project fait l'ouverture des 3 journées. Le 17 mai, c'est Oak avec Bjorn Riss. Le 18 mai, Basta, Ease et Airbag. Et le 19 mai, Inner Space, Fido puis Finistère. Donc, on continuera plus tard. Oui, il en reste encore. Ben oui. Et donc, on va poursuivre avec Ranistrain, la pièce Stargate. Et ce sera suivi d'un groupe français que j'aime bien, qui fait une musique à la frontière du progressif et du jazz. Je parle de Forgas Band Phenomena. Le dernier album s'appelle L'Oreille électrique. On va en entendre un extrait qui s'appelle Délice Karma. Mais on débute avec Ranistrain. attimo racchiuso dentro un atomo, capovolge la realtà dei miei pianeti. Sento il verbo ma non so comprendere, vedo il vero ma non so distinguere. Su spalle supplicanti porto l'anima, le mani le menzogne della storia, e lo spazio vuoto ora crescere, ed il tempo fermo ora nascere. È solo entrando che io posso uscire qui, continuerò tra nuovi soli e filamenti. Dovrei dissolvermi in un attimo, però rimango qui. Chi pianta un seme sa vederlo crescere. Ho remato fino al limite, mi sono spinto senza sosta verso il cielo, con occhi nuovi e nuove regole, colori nuovi e nuove armoniche. È solo entrando che io posso uscire qui, continuerò tra nuovi soli e filamenti. Dovrei dissolvermi in un attimo, però rimango qui. Chi pianta un seme sa aspettarlo, chi pianta un seme sa vederlo crescere. 89.1. It's a hard rain, they're gonna fall. Depuis plus de 50 ans, Bob Dylan incarne le folk d'Amérique dans toute sa grandeur. Je vous invite à le découvrir sous toutes ses paroles, quatre émissions durant, en compagnie d'un connaisseur passionné, Pierre Sarteau-Blanchard, les mardis 26 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, à 19h30, bien sûr à l'émission Folk d'Amérique, animée par moi-même, Gilles Chaumel, sur les ondes de CKRL. And it's a hard rains are gonna fall. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Donc, on a entendu Forgas Band Phenomena, le groupe de Patrick Forgas. C'est un Français et son groupe, c'est surtout des Européens, pas nécessairement des Français. Donc, la pièce qu'on a entendue s'appelle Délice Karma et c'est un disque qui est sorti au cours des dernières semaines. Et juste avant, René Strain, qui a fait partie de plusieurs palmarès. Oui. C'est un disque qui est bien apprécié aussi. C'est A Space Odyssey Part 3. Starchild, on a entendu Stargate. Et c'est une des pièces les plus longues de l'album. Et c'est c'est la troisième partie d'une trilogie. On pourra mettre des extraits des autres parties dans les semaines qui viennent. Et ben, pour faire le lien un petit peu avec Patrick Forgas ou Forgas Band Phenomena, il y a le festival Les Intemporels, j'en ai parlé l'an dernier, qui a lieu à Soignies, centre culturel de Soignies, en Belgique. Et le festival a lieu le 5 avril. Et pour cette année, il y aura Stéphane Galland and the Mystery of Kem. C'est le projet du batteur de Akamoun. Et ce sera suivi d'Étienne Jaumet, Sidefarer, et Six Songes. Et ces quatre bandes-là vont jouer durant cette journée-là. Et il y aura des extraits dans les semaines qui vont venir. Et bien, si j'en parle là, c'est que si ces groupes-là évoluent dans un style qui se rapproche de Forgas Band Phenomena, dans le sens qu'il y a un côté jazz là-dedans. Et ce festival-là, comme j'avais dit l'an dernier, là, il y a pas juste la musique, là, il y a différents exposants, un peu comme le festival Terra Incognita, mais ça se passe de façon différente. Et bien, poursuivons, tant qu'à parler de spectacle. De spectacle. Bon, ce mois-ci, le 19, Neil Morse Band à la salle Sylvain Lelièvre au cégep de Limoilou. Le 23 février au cégep Garneau, Marianne Scripp Revisited. Le 26 février au Grand Théâtre Alan Pearson. Le 1er mars à la salle Jean-Paul Tardy de Flower King et ses invités. Le 22 mars, à la salle Jean-Paul Tardy, Mystery Frost, c'est un programme double. Le 30 mars, à la salle Jean-Paul Tardy, Arena. Le 6 avril, au Capitole Dream Theater, mais je pense que c'est sold out. Le 13 avril, à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou, Saga. Le 14 mai, au même endroit, Riverside. Le 1er juin au Palais Montcalm, Prog Story, et le 15 septembre, Steve Hackett au Grand Théâtre. Et pour poursuivre en musique, il y aura du Life Signs. Le premier disque datait de déjà 3-4 ans. Et celui-là s'appelle Cardington. Ça fait déjà un petit bout de temps que c'est sorti, mais je ne l'avais pas encore. On va entendre la pièce N, juste N. Ça manque un petit peu d'imagination pour le titre. Ben, c'est comme un 2-3. Ben oui, mais ça, c'est un titre de pièce. Là. Il y en a qui sont plus originales que ça. Mais juste N majuscule, ça peut vouloir dire quelque chose. Il faudrait fouiller un peu. Et ben, sur ce disque-là, on retrouve Dave Bainbridge, qui est bien connu dans la musique celtique, pour avoir fait partie de... je dirais prog celtique, là, parce qu'il a fait partie de Iona, un groupe qui est spécialisé dans ce genre-là, avec, entre autres, Troy Donnelly. Et sur le premier, il y avait Nick Begg, mais il ne fait pas partie de ce groupe-là. Et sur le premier, il y avait aussi Steve Hackett cette fois-là, je ne me suis pas fourvoyé. Et ben, y a Marc qui vous avait présenté un groupe qui s'appelle Damanek, qui comprend entre autres Dan Mash, qu'on a connu, nous, avec The Tangent. Bassiste extraordinaire. Oh oui. Mm-hmm. Donc, le disque s'appelle In Flight. On va en entendre un extrait. Et aussi, c'est pour mon collègue et ami Vincent Delisle. On jase des fois de... C'est un grand amateur de Serge Gainsbourg. Et plus que moi, là, moi, j'aime bien Gainsbourg. Mais je ne suis pas un érudit là, de la carrière de Gainsbourg comme Vincent peut l'être. Donc, c'est Therion. C'est un groupe scandinave là, qui ont repris sur un disque qui appelle Les Fleurs du Mal. Des pièces en français, dont trois extraits de Serge Gainsbourg. Donc, on va entendre Initial BB. Ça va terminer ce bloc-là. Donc, on débute avec Life Signs. Always meant for me if Light dissolves so quickly, Beginning Lehoux. Production Rhizome s'invite à Première Loge. Entrevues, lectures poétiques, performances, poésie sonore, actualités événementielles littéraires. Une matière en appelle une autre. Première Loge édition Rhizome met en onde la littérature vivante, donne un second souffle à des archives sonores d'ici et d'ailleurs. Visuel sonore. Chaque mercredi, entre 15h30 et 16h. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy. Avec un sourire, la révolution. Buster Keaton, une célébration. La guerre froide, Marie, reine d'Écosse. Le Royal Opera House présente La Traviata et Une colonie. Et au Clap Loretteville. Le film Lego 2, l'incroyable aventure de Bella, Merveille des mers et Le Royal Opera House présente La Traviata. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. C'est le groupe scandinave Therion. Leur album s'appelle Les Fleurs du Mal et on a entendu Initial BB. Ça, c'était pour Vincent Delisle, qui est un grand amateur de Serge Gainsbourg. Et toi, tu aurais préféré Poupée de cire, Poupée de son? Ben qui... oui, mettant un petit peu, c'est le fun. Ah oui, même assez décapante. Ben, oui. Ben une autre fois. Et on avait précédé ça d'Anamek, un album récent là, qui s'appelle In Flight, c'est leur deuxième. On a entendu Big Eastern Part 2 de Shaking Earth. On avait débuté avec Life Science, extrait de Cardington, la pièce N. Et ces deux groupes-là, là, Life Science et Dynamic, moi, j'appellerais ça un petit peu presque un peu de la pop prog. Il y a un côté pop, mais il y a des belles envolées instrumentales. Ça reste quand même très intéressant, là, surtout Dynamic là, que je préfère. Et ben là, c'est un nouveau groupe italien qui s'appelle FEM pour Forza Elettromotrice. Et quand on télécharge, ma façon de travailler, c'est que je mets ça dans ma banque, comment est-ce qu'on appelle ça? iTunes, c'est ça. Puis à ce moment-là, le nom qui sort, c'est FEM, Prog Band. Et c'est comme ça qu'il est identifié aussi dans Prog Archive, mais je ne vois pas ça sur la pochette. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est, l'album s'appelle Mutazione. On va en entendre un extrait qui s'appelle Io mi transformo. Ce sera suivi de Sanguine Hum. Et aussi, tu parlais tantôt de Flower King. Oui. Ron Stolt, Flower King, un extrait de Manifesto of an Alchemist. Scoscesi, domandando ai sentieri quale fosse il mio cammino, per le strade tanti occhi e nessuno sguardo, così giunse il momento di ascoltarmi dentro. E mi ritrovai accendendo una sigaretta nella brace rossa, dissi questo sono io. Camminar con la testa alta, strade che mi fanno dire questo sono io. We'll be right back.

Et c'est Ron Stolt, Flower King. C'est, en fait, c'est le deuxième qui sort sous cette appellation-là. Là. C'est pas les Flower King comme tel, mais c'est le même personnel de toute façon. Fait, ça revient comme à son premier là, qui s'appelait Flower King. Il n'y a pas de S à Flower King. Donc, c'est un disque qui s'appelle Manifesto of an Alchemist. On a entendu justement The Alchemist. Juste avant, c'était Sanguine Hum avec Now We Have Light. On a entendu la pièce Chat Show. On avait débuté avec... FEM, un groupe italien, l'album Mutazione. Et on se quitte avec Finistère de son album éponyme, le premier, là, qui est sorti, je me souviens bien, en 94 et, ou 95. Puis c'est la pièce Asia. Et Michel nous disait que. Ben, en tout cas, on va les voir lors du festival. Et bon, on se quitte sur Asia et restez à l'écoute pour l'autoroute avec Stéphane Villeneuve. Bonne... Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Ce week-end au Dauteuil, jeudi, lancement des soirées Rock 50 avec spéciaux sur la pinte de l'Abat 50. Le band Metal Hardened fera vibrer le Dauteuil avec le lancement de son album Pillars Volume 1 et Godhead Lizard se fera un plaisir de réchauffer la salle dès 21h. 10$ à la porte. Vendredi, surprise et étonnement seront au rendez-vous lors de la soirée d'ouverture de la 10e Revengeance des Duchesses dès 17h. Entrée gratuite. Samedi, le Dauteuil reçoit Claude Cormier pour une soirée festive à saveur